Charline passe la balle à Meurice qui dribble le visage dans la surface de la réparation et go! Grosse patate, moi on me dit foot c'est foot. Mais dites donc. Oh là là, vous avez déjà joué au foot, Laetitia Gaillé? Je vous dirai ça plus tard. Ah, oui. Ah, attention parce qu'on va vous cuisiner, on a encore demain vendredi pour savoir. J'étais défenseuse. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut savoir. Allez, très bien. Foncez. Allez, c'est parti, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis! Salut Charline! Salut Charline! Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, ils s'entraînent depuis ce matin. 102! Depuis ce 103! Matin. Ouais, 135! Ouais, ouais. Attends, ouais. Tu triches là-haut! Non, mais c'est pas le chiffre qui compte, c'est l'effort! Ah, 177! Et oh, mais pourquoi vous faites ça? 18, 200! Attends, putain, je suis à 42 moi! On se prépare pour l'émission, Charline! Oh. Ah ouais. On va se voir Franck Leboeuf! Champion du monde, champion d'Europe, champion du Qatar. Non, mais non. Bah oui, champion du Qatar. Il n'y a pas de championnat de foot au Qatar. Si, si, pour les retraités. Si. Ah, c'est ça. Et ouais. Donc, ça doit être le seul pays où les supporters sont plus riches que les joueurs. Oh, laisse tomber, t'y connais rien. Allez, Guillaume, deux petits tours de maison de la radio pour se détendre. Avec comme elle est ronde, c'est pratique pour le jogging. Allez, on y va. Et ça suffit, là. On reçoit pas Franck Leboeuf, le sportif, on reçoit Franck Leboeuf, le comédien. Alors là, non, tu peux pas dire ça. Ah ouais, non, non. C'est pas un comédien. Quand il y avait faute sur lui, il se roulait pas par terre, gars. C'était pas du genre à faire du cinéma, Francky. C'est un bonhomme. Non mais attendez, mais il vient pour une pièce. Ma belle-mère, mon ex et moi, c'est du théâtre. Ah ouais, c'est du Tchekhov, ça. Je sens les Alexandras. Pour me préparer cette émission, vous me trouvez des sujets. Hop, hop, hop, là, c'est parti. Bon, on peut prendre des sujets sport, ouais. Ouais, bah si vous voulez. JO de 2024, c'est peut-être à Paris. Bon, on ne les aura jamais. Ah, tu rigoles, Paris sera capitale du Qatar en 2024. Ah, on a une chance. Ouais, je vois que vous avez un avis très pertinent, ça fait plaisir. Comme, comme souvent, bien sûr. Bon, je pense que maintenant, vous pouvez aller vous changer, hein, parce que ce short, c'est quand même très ridicule. D'accord, ok, ok. Peut-être ouvrir la fenêtre aussi, parce que. Ouais, ouais, parce que ça sent le sportif. Ah non, ça sent le comédien. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui scalpe l'actualité et voici les trois infos qui vont y passer jusqu'à 18h. Il est probable qu'il y ait une chance que Paris organise peut-être les Jeux Olympiques de 2024. Anne Hidalgo a changé d'avis, elle songe à une candidature. Pourtant, elle a un mauvais souvenir de la dernière tentative avec Delanoë. Bon, ça va, on va me le reprocher combien de temps d'avoir raté Paris 2012. Ça va bien, oh. À l'UMP, il y a l'affaire Tiki. Il y a aussi Jean-François Copé qui donne des cours à Sciences Po. L'UMP fait de gros efforts pour nous distraire. Qu'elle en soit ici remerciée. Vous allez nous expliquer que tout est de la faute de Nicolas Sarkozy. Je vous entends déjà. Et si les rouages des clubs de foot s'ouvraient aux supporters pour faire de ces clubs des biens collectifs? Car n'oublions jamais qu'il y a plus con que les supporters. Il y a les sportifs. Quand ces supporters ils sont assis, les autres ils courent. Et pour scalper ces trois informations, je suis accompagnée d'un jeune Sioux prêt à ruser pour une bonne blague, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu notre Aimé Jacquet dans cette équipe? C'est vous qui coachez tout ça. Et aujourd'hui, on a une belle formation, très compacte, très motivée, presque France 98, à 17h20, notre Alain Bogossian. D'origine arménienne et poilu comme l'autre. Il part toujours sur le terrain, parce que parfois il remet des prix à des pianistes de hall de gare. Mais quand il est là, il court comme un fou dans tous les sens et il se donne à fond. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, merci de cette intro. Un jeune pianiste qui s'appelle Jean Cottreau, il a 12 ans et demi et il a la double croche flottante. Ah mais oui, mais je sais, alors 17h30. Ça fait mal? Non, c'est groovy et c'est incroyable d'avoir ce talent à cet âge-là. Mais je vous expliquerai ce que c'est la double croche flottante. 17h30, notre Laurent Blanc. Car pour préparer les sons de ses chroniques, il amadoue notre réalisateur chauve, sosie de Fabien Barthez, en l'embrassant sur le front. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. Alors moi, je me suis intéressé aujourd'hui à l'affiche de promo pour la police municipale de Béziers. Un flingue avec marqué en gros « Désormais, la police municipale a un nouvel ami ». J'ai contacté le maire de la ville, Robert Ménard, qui est très gentil. Ouais, c'est ça, dis des bêtises. Même si, c'est vrai que des fois je dis des bêtises. À 17h40, notre Zaya. L'égérie de tous, sauf que c'est l'exact inverse de l'autre, puisqu'elle ouvre des livres et qu'elle ferme ses jambes. Bonjour Clara Dupont-Monod. Oh la vache. J'aurais préféré Zidane. Pardon, oui, j'ai vous hésité. Vous auriez été Materazzi, j'ai bien sûr. Hésité. Alors, le procès Bettencourt se poursuit. Du coup, le thème de la famille déglinguée en littérature, avec un roman pardonnable, impardonnable. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Et vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous êtes recruté par le club anglais de Chelsea en 93 quand Alain Souchon chante Foule Sentimentale. Vous remportez la Coupe du Monde de foot en 98 quand Le Dîner de Cons sort sur les écrans. Vous débutez au théâtre en 2010, l'année du dernier qui veut gagner des millions. Et donc, vous êtes, allez-y, dites-le. Je suis Franck Leboeuf. Oui, oui, oui. C'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Franck Leboeuf, maintenant, vous êtes sur les planches et ouais. Il y a une reprise de cette pièce dont vous êtes le héros. Ma belle-mère, mon ex et moi, c'est à la Comédie Caumartin depuis le 24 septembre. Ouais. Reprise donc il y a quelques mois déjà. Alors, pour les auditeurs de France Inter, qui sont peut-être moins habitués à vous entendre parler en tant que comédien, rappelez-nous quelle a été vraiment la charnière de cette reconversion surprenante qui date donc de 2010 quand même, ça fait 4 ans. Oui, au niveau du théâtre, ouais, mais en fait, je retourne à mes premières passions. Moi, je voulais être acteur quand j'avais 4-5 ans. Ma mère me l'a rappelé, je ne savais pas. Et puis, il n'y avait pas de possibilité de cours de théâtre dans mon village, dans le sud de la France. Et mon papa a créé l'école de foot, donc j'ai suivi le foot. C'était quelque chose de génétique. Et voilà, j'ai joué au foot. Et Vous avez complètement foiré votre vie, en fait, du coup. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, non, sans aucun regret, en tout cas. Mais j'ai eu la chance en 2000 de jouer dans un film alors que j'étais encore joueur à Chelsea. Et qui s'appelle À tort ou à raison. Et ça m'a convaincu en fait de faire ça après ma carrière. Donc en 2005, quand j'ai arrêté ma carrière, après ma pré-retraite, comme ça a été cité au Qatar, je suis parti à Los Angeles pendant 2 ans dans une branche d'acteurs studio à Lee Strasberg Institute pour apprendre le métier. Et donc à raison de 4 heures par jour, ce qui prouve une certaine légitimité pour ceux qui en douteraient, j'ai bossé. Et j'ai fait, 5-6 films aux États-Unis. Deux dernièrement en Angleterre et il y a eu 2 pièces de théâtre en 2010 et en 2012 on a commencé une tournée avec ma belle-mère, mon ex et moi. Et donc voilà. Quand vous étiez étudiant au Lee Strasberg Institute, les collègues de classe quand ils vous demandaient, mais tiens, qu'est-ce que t'as fait avant toi? J'étais commercial en fait. Ouais. Moi j'ai rien dit, j'ai fait exprès parce que je voulais retrouver cet anonymat, pas avoir les avantages et aussi les désavantages d'une certaine célébrité. Et donc ça a duré 6 mois jusqu'à ce qu'un Italien me reconnaisse. Et là voilà. Et c'est dingue, c'est que j'ai vraiment senti la différence, même au niveau des profs, quoi. C'était plus sympa. Après, pendant 6 mois, ils vous ont donné cours sans savoir que vous étiez champion du monde. Ouais, et c'était vraiment sympa parce que j'avais quoi? J'avais 37 ans, 38 ans, et j'étais sans doute le plus vieux de la classe avec des gamins de 18, 19 ans. Et je bossais très très dur et j'avais aucun avantage. Donc, pour moi, c'était vraiment la base de ce que je voulais faire, retrouver un anonymat et travailler comme ça. Parce que Lee Strasberg, ça consiste à aller chercher au fond de soi les émotions. C'est ça. Donc là, du coup, vous aviez envie un peu de pleurer des fois, sûrement, non, non? Ouais, c'était assez facile parce que j'étais en dépression à ce moment-là. Donc, j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que perdre son père, arrêter sa carrière, subir un divorce, c'est quand même pas facile en 4 mois. Ouais. Et donc, c'était assez facile. Mais oui, la méthode Stanislavski, c'est en fait d'aller chercher au fond de soi les souvenirs heureux ou malheureux et s'en servir pour pouvoir recréer l'émotion que l'on veut montrer. Et là, il y avait Mathieu. Donc, cette fois-là. Oui, mais c'est assez facile en fait d'être triste, je trouve. C'est très difficile de faire rire. Là, vous êtes dans une comédie. C'est une comédie. J'ai un rôle de clown blanc, c'est-à-dire que je subis. Je suis un peu Depardieu dans La Chèvre. Et j'ai mon Pierre Richard qui est à côté et qui m'en fait voir des vertes et des pas mûres. C'est mon homme de maison qui est homosexuel, qui est amoureux de moi. Il veut m'aider, mais il fout que tu la pagaille. Nicolas Vitiello. Exactement. Oui. Vous jouez avec Katia Tchenko et Christine Lemler. Charline a fait le lien en disant que l'année où vous commencez le théâtre, c'est le dernier qui veut gagner des millions. Ouais. Est-ce que pour vous, ça a été un peu le cas aussi? Parce que j'imagine que même si vous jouez 7 fois par semaine quand même, le salaire à Chelsea est quand même meilleur qu'à la Comédie Caumartin. Ah, à la Comédie Caumartin, c'est 110 euros par soir. Donc, ouais. c'est vrai que là, c'est pas le but recherché. J'ai très très bien gagné ma vie à Chelsea. Si on compare avec ce qu'on voit maintenant, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien à voir. Hein. En 10 ans, ça a explosé. Je connais des joueurs qui gagnent en une année ce que j'ai gagné dans toute ma carrière. A priori, vous êtes à l'abri. Parce que souvent on se dit, tiens, je rappelle que j'ai subi un divorce. Guillaume Meurice. Bon. Oui, moi je voulais savoir, est-ce qu'avant de monter sur scène, il y a des phrases d'Aimé Jacquet qui vous reviennent de motivation? Est-ce que non. Par exemple, il y en a une qui dit, il faut pas que l'enjeu prime sur le jeu? Ça peut s'adapter au théâtre, ça? Oui, vous savez, je... ça me fait rire parce qu'on est toujours en 98, donc 16 ans après. Il fallait pas gagner aussi, vous vous emmerdez. Oui, oui, non, mais j'ai fait comme Robert Pires, j'ai musclé mon jeu aussi, j'ai tout fait. Non, c'est pour moi, c'était quelque chose de complètement différent. On me pose souvent la question, mais le sport, on connaît pas, il n'y a pas de texte, on connaît pas la fin. Voilà. Et Bernard Tapie, il la connaît théâtre, souvent. Oui, oui, mais bien joué. Mais le théâtre, c'est quelque chose de très précis. Il y a une vraie technique. Il y a, même en étant le clown blanc, et je dois sortir des phrases. Si je ne les sors pas bien, mon vous avez hérité de cette discipline, en quelque sorte, l'un aider l'autre dans le côté discipline. En tout cas, la discipline, oui, c'est l'envie de faire l'effort. Il est là grâce au sport. Et au cinéma, tiens, dans Une merveilleuse histoire du temps de James March, eh bien, on vous suivra parce que vous êtes en lice du coup pour l'Oscar. Oui, il y a 5 nominations aux Oscars. Ouais, je ne suis pas nommé en tant que meilleur acteur. Pas vous personnellement, mais le film. Donc, le film remporte un Oscar, vous êtes embarqué dans le. Ouais, puis j'aurai une petite statuette à la maison. Et j'ai l'impression que c'est Boyhood qui va l'avoir. Le concept de Boyhood, tourné pendant 12 ou 14 ans. Ils ont gagné déjà le Golden Globe, le BAFTA la semaine dernière. Donc, je pense sincèrement, je pense que c'est eux qui vont l'avoir. C'est le pronostic de Franck Leboeuf pour les Oscars. Malheureusement. Il est avec nous jusqu'à 18h. Donc, si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter. France Inter, vous avez écouté un CD. Je vais vous dire, je ne suis pas la première à l'avoir fait, ça. Je ne citerai pas un collègue. Chris Esquer le fait régulièrement. Ah, c'est vrai? J'ai pas entendu. Bon, alors, en tout cas, nous sommes sur France Inter. C'était Scissors Jerk It Out dans une émission préparée. Parce que figurez-vous que cette émission est préparée quand même. Déjà réalisée par Benjamin Riquet, préparée par Claire-Sophie Collet et Nathalie Romero avec la collaboration de deux stagiaires de 3e. Brillante. Parce que voilà, il y a des stagiaires de 3e tout le temps dans ce pays, c'est formidable. Nous sommes avec Franck Leboeuf et autour de cette table. Et bien sûr, Clara Dupont-Monod, André Manoukian et notre ami Guillaume Meurice qui a eu Robert Ménard au téléphone. Oui, notre ami Robert. Entendra tout. Il va très bien, je suis ravi. Il allait bien avant que je l'appelle. Allez, nous avons feuilleté la presse et avant qu'elle finisse par emballer les légumes, on la passe en revue. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. La bonne nouvelle ce matin, c'est un accord de cessez-le-feu qui a été trouvé à Minsk lors de la réunion Merkel-Poutine-Hollande-Poroshenko. Et ce matin, Libération titrait « Minsk joue carte sur table ». Oui, ils étaient quatre, c'était parfait pour une belote. Mais l'essentiel, c'est qu'on a trouvé un accord. Oui, tout le monde y a mis du sien. Même l'UMP avait avancé sa solution pour l'Ukraine. Voici leur proposition. Ni l'Europe, ni la Russie. Tant qu'on parle de l'UMP, vous savez que le parti a lancé une pétition à l'initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah, une pétition pour la paix en Ukraine. Non. Une pétition pour que Tiki soit enfin régularisé. Non. C'était une pétition pour qu'une boulangerie de Saint-Paul-les-Dax puisse ouvrir 7 jours sur 7. Ah oui, c'est vrai qu'à l'UMP, on soutient les petits métiers où on peut rouler dans la farine. Passons à autre chose. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. On tape sur tout le monde, mais en ce moment, l'UMP nous donne beaucoup de matière. Oui, ça travaille. Vous souvenez que Raphaël Mesrahi était à la place de Franck Leboeuf il n'y a pas longtemps? Oui, c'était pour la nuit de la déprime. Exact. Et elle a eu lieu lundi, parce qu'en fait, il a créé la nuit de la déprime. Et pour ouvrir cette nuit, il avait un guest inattendu. Quelqu'un qui a des bonnes raisons de déprimer, je vous dis rien. Essayez de deviner qui a ouvert la nuit de la déprime. Je déclare ouverte la troisième nuit de la déprime. Jean-François Copé. Et c'est Jeff qui l'a fait. Donc il lui a demandé, il lui a dit, écoute, Jean-François, comme tu es fort déprimé en ce moment, ça serait bien. Oh, et il a accepté. Il a trouvé le temps de le faire. Mais oui, oui, mais oui, parce que comme vous le savez, Charline, et on va peut-être en parler tout à l'heure, vous l'avez lu dans l'Express, depuis le début de l'année, Jean-François Copé donne des cours à Sciences Po. Oui, et c'est normal, hein, ce serait bête de priver la jeunesse d'une très belle expérience. J'ai laissé traîner mon micro à Sciences Po dans l'auditorium. Charles Pasqua, où il donne cours. Silence, on va commencer. Silence. Alors, aujourd'hui, le cours va porter sur le financement d'une campagne. Vous n'avez pas de questions sur le cours de la semaine dernière sur la mise en examen? Non, très bien. Bon, je pense que j'ai été assez clair sur le sujet, je le maîtrise quand même. Alors, quelle est la première chose à faire quand on finance une campagne? Est-ce que quelqu'un... voir le budget. Le budget? Écoutez, si c'est pour dire ça, si on m'a fait venir ici pour faire de la théorie, non, c'est de la pratique que je fais. Je repose la question, quelle est la première chose à faire quand on finance une campagne? Affiner le programme politique. Quoi? Mais c'est pas possible cette génération. Un programme politique, ça fait 30 ans qu'on fait plus ça. Vous êtes une belle bande de cancres. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Préparez le cours de la semaine prochaine, beaucoup mieux de ça. On parlera de l'abus de confiance. Pardon, monsieur Copé, mais on a tellement de chance d'apprendre avec vous. Hein. Et on termine par une info mode. Est-ce que vous connaissez Jamie Brewer? Moi, je connais pas, je sais pas. Vous. Elle va être connue aujourd'hui. Vous aviez de la purée dans la bouche. Brewer. B-R-E-W-E-R. C'est de la bière, ça. Ça doit vouloir dire brasseur. Mais Jamie Brewer, cette jeune femme va devenir aujourd'hui à New York la première trisomique à défiler à la Fashion Week. Ah bon, vous êtes sûr? Ah, bah ouais, c'est vrai que maintenant que vous le dites, parce que j'ai déjà discuté avec des mannequins, peut-être... Ouais, c'est comme les footballeurs. Attends, je me suis pas permis. Non. Pas de cliché d'ailleurs. On est avec vous, Franck Leboeuf, jusqu'à 18h. On grille l'actualité comme des merguez à une manif de la CGT. Et vous allez voir, on va aborder le premier sujet avec vous. On va avoir votre regard sur ce sujet de fond. Anne Hidalgo a changé d'avis. Elle étudie la faisabilité d'une candidature pour l'organisation des JO en 2024. Ouais. Comme politiquement, en réalité, on est déjà en 2017, il faut se dépêcher quand même. Je ne sais plus. Je suis perdue. C'est bien, Hidalgo. Oui. François Hollande, en fait, il fait des promesses qu'il ne tient pas. Et Anne Hidalgo, elle tient des promesses qu'elle ne fait pas. C'était pas dans son programme, en fait. Franck Leboeuf, c'est une bonne surprise, ça, que Anne Hidalgo et Paris et la France réfléchissent à une candidature de Paris pour les JO. Ça vous emballe, vous, ça? En tant que sportif et amoureux du sport et des Jeux Olympiques, je peux que me réjouir d'avoir une possibilité de voir ça sur la France, sur Paris précisément. Après, je pense aussi à des questions de budget. Je pense aussi à savoir est-ce que les Français sont prêts à payer le surcoût. Parce qu'à un moment donné, à part, je crois, Los Angeles et en 1948, les Jeux Olympiques ont laissé des déficits dans toutes les villes dans lesquelles elles ont eu lieu. Alors heureusement, apparemment, à Londres, c'est un succès, ils ont réussi à... Ouais. Écoutez, moi je suis, je dirais, plutôt contre, parce que je trouve que c'est trop tard et qu'on sera pas prêt, même s'il y a des structures, et je peux comprendre. Je me pose la question quand même, parce qu'on parle du village olympique qui sera placé à côté du Bourget, donc au nord-est de Paris, et le sportif, il devra aller au POPB, qui est au sud de Paris. Bonne chance pour faire son match. Il va se régaler 2 heures de transport en commun, il va se tirer une balle en arrivant. Quoi. Avec un pass Navigo, on y arrive très bien. Ouais, hein. Sans doute. Clara Dupont-Modo. Et sans parler des retombées climatiques, parce qu'Anne Hidalgo, qui est tellement axée sur l'assainissement de l'air de Paris, là, je ne vous dis pas. Mais surtout, elle promet que le coût sera maîtrisé à 6 milliards d'euros. Or, Londres, en 2012, c'était presque à 11 milliards d'euros. Ils ont explosé le budget. À 11. Pékin, en 2008, c'était 30. Athènes, en 2004, c'était 13. Je ne vois pas comment on va faire pour arriver à 6. Il y a des solutions. Il y a une double page dans l'équipe aujourd'hui. Franck Leboeuf, vous l'avez consulté comme moi avant de venir. Et il y a notamment cette idée, une idée suggérée par l'équipe, surtout, mais c'est assez marrant, que escrime et autres sports se fassent au Grand Palais. C'est chic. C'est chic. Ah, c'est beau. Il y a la patinoire l'hiver. mais non, mais je trouve ça très très beau, c'est magnifique. Ce serait une belle carte postale. Mais alors voilà, donc en utilisant déjà les infrastructures existantes, dont évidemment le Stade de France. Oui, mais enfin, il n'y a pas de piscine olympique, je crois. Il manque quelques canals Saint-Martin. Si là, on part de loin. Et je suis un homme de solution. Si c'est pour se manquer après. Moi, ce que je trouve amusant, c'est qu'éventuellement, si ça se fait, c'est 2024. Et c'est assez malin parce que si Anne Hidalgo remporte l'organisation des Jeux, ça on le saura en 2017, si Paris remporte l'organisation des Jeux, elle remporte une victoire, Anne Hidalgo. Mais tout le merdier, elle le laisse en 2024 à celui qui la suit, non ? C'est comme ça que ça marche ? Oui, mais cela dit. Mais surtout à nous qui allons continuer à payer pour s'il y a un déficit. Mais politiquement, ça aide les gens en place. Quand vous avez gagné en 98, Jacques Chirac, ça lui a fait bien plaisir. Ouais, et ça, je me demande toujours comment. Comment on peut dire j'aime plus le président de la République parce que la France, elle est championne du monde, ou même les événements tragiques d'il y a un mois en France. Je comprends toujours pas comment, dans la tête des gens, ça peut changer un avis qu'on a sur notre président. Finalement, c'est toujours grâce aux musulmans. Hein. C'était Zidane en 98. Ouais. Mais je trouve très bizarre. Enfin, la politique me fait pas rire, en fait. Ouais. Et je trouve qu'on est trop gentil et que c'est quand même notre pognon. On file notre pognon et à un moment donné, on a envie de dire ça suffit, arrêtez de faire des conneries maintenant. Tous ces hommes politiques qui se servent de nous, qui ont des casiers judiciaires énormes, qu'on laisse passer comme ça. La presse qui est assez sympa, alors on fait de l'humour. Est-ce qu'on doit faire que de l'humour ? Ça, c'est un problème. Les émissions d'humour sur l'actu, moi, je serais pour les supprimer. Toute la classe politique n'est pas comme ça, quand même. Non, mais on sent quand même il y a un grand foutage de gueule. Maintenant, comme il y a Internet, on s'aperçoit de leurs conneries. Avant, ils le faisaient, ça n'a pas changé. Avant, ils le faisaient, mais on s'aperçoit de rien. Mais là, je trouve que ça pue un peu et qu'on est un petit peu trop gentil avec eux. On va avoir l'occasion et de s'en moquer et de ne pas être gentil après, parce que justement, on a. Un petit tac par derrière. Oui, vous avez l'habitude, carte jaune. On va tacler par derrière. Eric Dimeco, un peu. Là maintenant on va prendre un peu le large. Bien. Franck, parce que c'est le moment d'André Manoukian. Il a l'air dans une forme. Mais oui. Est-ce que vous pouvez réveiller André Manoukian? Le truc c'est que vous n'avez pas compris, c'est la musique, elle est dans une sphère qui est un petit peu haut comme ça, donc pour se connecter il faut brancher son tuyau et prendre un peu de hauteur. Son tuyau, on fait du channeling, c'est-à-dire c'est un grand tuyau d'inspiration comme ça. Il y a pas longtemps, vous avez tous vécu cette expérience, la musique rassemble. Et moi, je suis souvent dans les gares parce que j'ai ma famille qui est à Chamonix, je suis gare de Lyon, etc. Et j'ai même des gentilles contrôleuses qui me chantent quand elles me... Oui. Quand elle me contrôle, je peux vous chanter des chansons. Et vous branchez votre tuyau après, dans un TGV qui roule à 300 à l'heure, on peut pas sauter du train en marche. Donc j'écoute la chanson sans brancher mon tuyau. Voilà-t-il pas qu'un jour, j'étais dans la gare de Lyon, puisque c'est ma gare préférée, et j'entends une musique cosmique qui vient du dévoute, et je me dis, oh, mais c'est formidable. Ils ont installé des haut-parleurs tout là-haut, et enfin... on diffuse de la belle musique. Ah. Et en fait, je m'approche. Et c'était un gars, mais qui était en train de jouer une bluette, mais hyper facile, un morceau, un morceau complètement enfantin, mais simplement avec la réverbe de la gare. De loin, ça produisait une musique incroyable. Si on réfléchit deux secondes, les cathédrales sont bien plus petites que les halls de gare. On a construit ces cathédrales, entre autres, pour rendre grâce à Dieu. Comment on fait pour rendre grâce à Dieu ? On fait de la musique. Les musiciens, Bach, c'était son boulot principal. Et cette acoustique des églises, elle est formidable. L'acoustique d'une gare, elle est finalement 10 fois plus fantastique que l'acoustique d'une église. Et me voilà en train d'être en admiration devant un mec qui faisait... Parce que de loin, ça produisait encore une fois une musique cosmique. Vous avez raté votre train. J'ai presque raté mon train. Qu'est-ce que ça produit, l'opération piano dans les gares, grâce à une marque de piano que je vais citer parce que c'est eux aussi qui sont à l'initiateur de ce projet, c'est les pianos Yamaha. Il faut rappeler que Yamaha a inventé une méthode d'apprentissage de la musique, parce que dans jouer de la musique, il y a la notion de jouer. Jouer, c'est à un moment donné, on doit rigoler. Et les petits enfants, la méthode, c'était vous êtes avec votre violon et votre archet, puis c'était tout d'un coup avec mon archet, je vais jouer du violon de mon copain, etc. Donc, il y a tout un pan de l'éducation musicale qui est en train de bouger. Nos conservatoires sont formidables. Mais à un moment donné, quand l'initiative elle vient d'un petit peu ailleurs, je tiens à la saluer. Et surtout, les gares. À la base, c'est un endroit où il y a de l'angoisse, où tout le monde court, on a peur d'attraper son train, on se fait agresser. C'est et tout pour d'un ça coup, qu'on aura envie d'avoir du son. Exactement, vous voyez de la musique. Et puis là, bah voilà, on va avoir du son tout de suite. Il s'appelle Jean Cottreau, il a 12 ans et demi. Ce qu'il est en train de faire, c'est un truc de dingue. Pourquoi c'est un truc de dingue ? Parce que ça groove, c'est un morceau d'Herbie en coque. Et quand Herbie amène ce groove un petit peu caribéen, c'est complètement nouveau dans le jazz. On va dire que c'est du jazz binaire. Binaire, ça veut dire qu'on joue avec un rythme qui est un petit peu plus funky que le ternaire. Et du coup, ce swing particulier et nouveau qu'en coque va inventer, inspiré des Caraïbes, on dit généralement que c'est presque du trinaire, un mélange de binaire, de ternaire. Bref, il faut avoir le groove. Et le groove, c'est un peu comme la grâce augustinienne, on l'a ou on l'a pas. On a beau prendre des cours et des cours et des cours, si on n'a pas cette sensation-là, si on n'a pas cette africanité du bassin, eh bien quelque part, on peut passer à côté un petit peu toute sa vie, parce que ça n'est pas qu'une histoire de rigueur. Et quand je dis qu'il a la double croche flottante, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est un petit peu entre deux eaux. S'il fallait quantiser ça, c'est-à-dire s'il fallait analyser ça avec une machine, on s'apercevrait que c'est quelque chose qui, c'est entre deux croches, il se balade. Et c'est cette grâce-là qu'il a. Avoir ça à 12 ans et demi, c'est incroyable. Donc il s'appelle encore une fois Jean Cottreau. Son père est musicologue, sa mère est chanteuse d'opéra. Alors évidemment, il vit dans un milieu musical. Les parents sont divorcés, il est souvent dans les gares. Et là, il a enregistré ça à la gare de Tours. Son père était mal garé sur la position des pauses rapides. Avec son iPhone, il l'a vite pris et tout d'un coup, c'était comme une évidence qui nous a pété à la figure. Encore une fois, de voir un gamin qui a cette grâce-là, moi, je pense que les enfants sont en train de, dans l'histoire de l'humanité, d'avoir de plus en plus de musique avec eux. Et voilà, donc je tiens à le saluer. Numéro 2, elle s'appelle Noa Zanon, elle a 10 ans. Et tout d'un coup, elle a des toutes petites mains. Et elle, alors ses parents sont œnologues, ils sont à Beaune, il y a un piano chez eux, un jour il y a une prof de piano qui arrive là, puis elle voit une petite fille de 4 ans, elle fait « Tu joues du piano ?» Elle fait « Ben non, c'était un piano qui faisait des cours, tu voudrais pas que je te donne des cours ?» Et voilà ce que ça donne 6 ans après. Elle, milieu complètement, qui ne connaît pas du tout la musique, et tout d'un coup la grâce. Là c'est de l'inné complètement. Il y a un moment donné, il faut avoir cette grâce-là pour pouvoir se connecter avec. Il y a beaucoup de travail. Alors souvent on dit la musique c'est TTC, talent, travail et chance, 40% de talent, 40% de travail et 20% de chance. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable dans son jeu à elle, c'est qu'elle me faisait presque penser à Glenn Gould. Après, il y a eu plein d'expériences rigolotes dans cette... Quand je dis Gould, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça dépasse de la musique. Ouais, là, je suis... Allez. Alors, il y a un gars qui a été super fun aussi, qui nous a fait un détournement. Écoutez ça. Donc ça, c'est le jingle de la SNCF. Ouais, ce qu'il en fait. Drôle. C'est drôle. Ouais. Qui est un morceau de jazz au départ, non ? Non, ça c'est non juste un pauvre jingle avec 4 notes. Non, mais celui qui a fait le jingle à la SNCF, c'est pas un jazzman au départ ? Ah, je sais même pas qui. C'était Lucien. Il me semble. Comment s'appelle-t-il ? Ouais, je me rappelle plus, mais il me semble. Vérifier. On va vérifier. En tout cas, c'est vachement mieux au piano. Hein. Voilà. Je suis d'accord avec Franck Leboeuf. Ça prend moins la tête, quoi. Et ce procédé, on va faire. Voilà, ce procédé qui est drôle, qui est de détourner un jingle et tout d'un coup de le rendre vraiment musical, eh bien, j'ai envie de vous faire écouter. Un autre artiste, lui, qui est un immense pianiste, qui s'appelle Keith Jarrett. Keith Jarrett, c'est l'histoire du disque de jazz le plus vendu dans le monde du jazz. Vous en avez parlé un petit peu déjà ici vaguement. Il a vendu 4 millions d'exemplaires vendus. Or, il arrive à Cologne. Ça se passe à Cologne, c'est son concert, il est en tournée dans le monde entier. Il arrive ce jour-là, il n'a pas le piano qu'il veut, il est énervé, il est un petit peu irascible. Et au moment où il s'assoit, il y a un 4 notes dans l'opéra de Cologne qui appelle les gens à venir. Il va s'asseoir et il va jouer avec ses 4 notes. Et il va faire le disque. Une improvisation totale sur ces 4 notes qui va durer un double album. Ça va être le disque le plus vendu dans l'histoire du jazz. Voilà, c'est ça les notes. Et là, maintenant, il va partir. Et ça va être un des disques, encore une fois, les plus agréables, les plus mystiques. Quand je vous parlais de cette histoire de tuyau, et quand je vous parlais de l'irascibilité de Keith Jarrett, à un moment donné, c'est que on a besoin de faire d'aller chercher en soi, un peu comme Lee Strasberg, et d'être à la fois isolé et en même temps d'avoir le public. Et pour venir au piano dans les gares, ce qui est formidable, c'est que chaque fois qu'un gosse s'assied, ou qu'un adulte s'assied, ou qu'un SDF s'assied derrière ce piano, il y a une foule et les gens se reparlent grâce à ça. Et moi, je suis pour que les gens se reparlent en écoutant de la musique. Merci André Manoukian. N'oublions pas Nietzsche. Hein. Nietzsche a dit, sans la musique, la vie serait impossible. Et Franck Leboeuf. Ah. Hein, il y a une connexion entre vous deux, Franck Leboeuf et André Manoukian. Et malheureusement, Christophe Maé a lu Nietzsche. Michael Boumandil, ça vous dit quelque chose ? Oui. C'est le compositeur du jingle SNCF. Michael Boumandil. Et voilà. Et oui. Et moi, voilà. J'avais l'impression que c'était un jazzman. Les droits d'auteur du mec. Quelque chose, je ne sais pas. Chaque fois qu'il y a on va faire une recherche. On poursuit la recherche. Je rappelle que nous sommes avec Franck Leboeuf jusqu'à 18h. Et vous pouvez voir Franck Leboeuf dans la reprise de Ma belle-mère, mon ex et moi à la Comédie Comartin. Mm-hmm. La reprise, c'était en septembre. Est-ce qu'il va y avoir une tournée ? Vous allez partir en France ? Écoutez, pour l'instant, on est très bien à Paris parce que ça marche bien. Donc, puis, tant que ça marche à Paris. Avec les vacances, vous allez voir des gens. Qui voilà, toute la et France, on continue tant que ça marche. Après, on verra. On fera certainement une tournée, mais on ne veut pas la prévoir tant que ça marche à Paris. Guillaume Meurice, ah, oui. Vous aussi, vous êtes... En tournée permanente. Ah bah oui, une tournée permanente, Guillaume Meurice. Oui, oui, donc c'est à moi, c'est ça, Charline, oui, que vous voulez me dire. C'est ça que je voulais dire, bien. Oui, c'est mais ça, écoutez, vous avez tout compris, vous êtes brillant. Hein. Mais oui, je commence à m'y faire à cette émission. Alors figurez-vous, Charline, qu'aujourd'hui, j'ai mené l'enquête hein, sur la polémique du moment. Une bien belle initiative que nous devons au maire de Béziers, Ménard, et pas Médard, hein, ça n'a rien à voir. Il l'a fait exprès ou pas ? Non, ça aurait pu. Il a décidé de doter la police municipale de sa commune d'armes à feu et de le faire savoir grâce à des affiches que l'on peut voir dans les rues de la ville. Affiche où est inscrit en gros, je cite, « Désormais, la police municipale a un nouvel ami » et à côté, la photo de ce nouvel ami, non pas une bouteille de Ricard, non pas un Becherel, mais bien un pistolet. J'ai appelé des habitants de Béziers pour connaître leur avis. Par exemple, le club de foot local, je me suis dit, après tout, eux aussi, ils ont l'habitude de tirer. Comme on est aidé par la mairie au niveau de subvention, on n'a pas envie de critiquer quoi que ce soit. Quoi. Mais vous pensez que l'idée est bien, vous pensez ? L'idée est bien. Oui. Mais bon, hein, ils pensent aux subventions, qu'est-ce que vous voulez ? Hein, ils auraient dû le dire que c'est une bonne idée. C'est dommage. Il y a d'autres clubs qui pensent à leurs subventions à Béziers. Par exemple, le club de tir. Alors, j'ai essayé de les appeler, mais personne n'a répondu. Et c'est dommage, car leur siège social est situé, je vous jure que c'est véridique, rue Martin Luther King. Du coup, ça ne s'invente pas. Du coup, j'aurais bien voulu savoir si le club de yoga était situé rue Joseph Goebbels. Mais on ne saura jamais. Tant pis, j'ai appelé les principaux concernés, la police municipale de Béziers. Eux, ils m'ont répondu, mais ils voulaient me transférer à la mairie. Eh oui, je suis police municipale, donc c'est la mairie. Eh oui, mais moi, c'est votre avis à vous, moi, qui m'intéresse. Là, je suis tenu un droit de réserve. Désolé. Ah, bonne journée. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de votre... Non. Et ça, moi, je vais vous dire, je ne supporte pas. En plus, je les soutiens. Alors mince, quand même, j'ai rappelé. Police municipale, bonjour. Ah ben, rebonjour, vous venez de me raccrocher au nez. Eh oui, parce qu'on ne peut pas discuter, monsieur, j'ai pas le droit de vous parler, donc... Bah oui, mais c'est pas très poli, vous me raccrochez au nez. N'exagérez rien. Ah ben, quand même. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Non, bah du coup, je vous sens nerveux, alors je sais pas si c'est une bonne idée de que vous soyez armé. Alors, si j'étais pas derrière mon bureau, je suis pas armé, je risque de coucher personne. Bon, alors dites-moi juste, est-ce que vous êtes content de votre nouvel ami ? J'ai plein d'amis. Mais là, celui-là. J'ai du travail. Celui-là, précisément. Alors, allez, pas de commentaires, désolé. Bon, il est nerveux le gars, mais il faut pas généraliser, attention, hein. Armer la police, c'est une belle initiative, notamment pour apaiser les tensions. J'ai donc contacté l'homme à l'origine de cette campagne de pub, le maire de Béziers, Robert Ménard. Bon, moi je voulais vous dire franchement déjà bravo. Oh, vous êtes bien le seul parisien qui me dit ça, ça me change. Ah bah moi je vous dis bravo, non mais je sais bien. Comment vous est venue cette brillante idée ? C'était simple, on voulait faire passer un message qui était la police est armée, elle travaille maintenant 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et c'est vrai qu'on ne fait pas une affiche institutionnelle, on fait une affiche qui interpelle les gens. Et oui, et ça m'a interpellé. Mais alors de là à en faire tout un scandale, comme dans la presse Bobo Gaucho, c'est invraisemblable, n'est-ce pas Robert ? C'est encore plus invraisemblable avec le climat actuel après le 7 janvier. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur... Alors le problème, puisque vous faites allusion au 7 janvier, c'est qu'en face, ils avaient des lance-roquettes. Alors est-ce qu'il aurait pas mieux valu mettre une photo de lance-roquettes directement ? Je sais pas, mais vous savez, quand les gens me disent c'est une provocation, comme dit le ministre de l'Intérieur, j'ai envie de lui dire Il a été accueilli comment, le Premier ministre, à Marseille, il y a quelques jours? Il me semble que c'est des tirs de Kalachnikov, c'était pas des fléchettes. Eh ben, c'est bien ce que je dis, pourquoi vous mettez pas directement une Kalachnikov avec marqué « La police a un nouvel ami » ? Non, parce qu'ils sont armés de ce type de revolver, et donc je suis réaliste. Ah mais pourquoi ne pas armer la police municipale avec des lance-roquettes ? Parce qu'elle n'a pas à l'être, les armes, cette arme va très bien pour le boulot qu'elle a à faire. Eh oui, c'est ça le problème de Robert, c'est ça, il va pas assez loin. Eh ouais. Et en plus, il a pas pris totalement conscience des problèmes que ça pourrait éventuellement poser. Heureusement, je suis là. Alors on sait aussi que c'est des gens qui picolent un petit peu, hein, on va pas se mentir, la police municipale, à l'apéro, ils sont pas les derniers, est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Non, c'est une image d'Épinal, c'est complètement faux. Vous êtes avec une image de la police municipale qui date d'il y a 20 ans. Ah, c'est une image de Béziers aussi, enfin on va pas se mentir. Non, je mens pas, vous dites des bêtises là. Voilà, encore une fois, j'essaie d'aider et je me fais rembarrer. Bon, j'avais une dernière question pour Robert. Est-ce qu'ils vont être habilités à tirer sur des gens qui mettent du linge aux fenêtres ? Je réponds pas à une bêtise. Ah, ça aurait pu, on pourrait. Oui, c'est ça. Bah, on pourrait régler plus facilement le problème de cette délinquance-là. Oui, c'est ça. Dites des bêtises de ce type-là. Moi, je propose des solutions, attention, hein, monsieur Ménard. Non, vous, vous dites des crétineries, c'est pas tout à fait la même chose. Mais non, c'est pas la même pour chose. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Non, c'est pas la même chose parce que, rappelons ce qui n'est pas une crétinerie, faire la publicité d'une police municipale en présentant leur arme comme un ami, ça c'est pas une crétinerie, car comme le dit l'adage, seuls les vrais amis laissent une empreinte sur nos cœurs, en l'occurrence, une balle de 9 mm. Merci Guillaume Meurice pour cette enquête. Je vous en prie, à votre service. Allez, nous sommes avec Franck Leboeuf jusqu'à 18h. Va en vacances à Béziers, tu vas voir. Ah, mais il va être accueilli, non, je sais. Ça c'était une idée, tiens, oui. Allez-y camoufler, hein, ça c'est sûr. Mais pour vendre mon spectacle, c'est pas gagné, je vais m'en apercevoir. Allez, le sujet 2, car ici... Le choc a laissé place à la consternation. Alors aujourd'hui, la presse essaye de comprendre l'affaire Tiki, le président des jeunes UMP sans papier. La presse essaye aussi de comprendre comment Jean-François Copé est entré à Sciences Po pour y donner des cours. Je veux dire, comment l'a-t-on laissé rentrer ? Personne ne sait, pas même lui-même. Ah oui, ça, j'ai vraiment rien à voir. Vous savez, j'ai tout découvert à travers l'article qui a été fait par Libération, comme je l'ai dit d'ailleurs à chaque fois. Que vous dire de plus ? Je sais, moi, que je ne savais rien. Voilà. Nous avons au bureau les œuvres complètes de Jean-François Copé. Elles sont adaptables à tout. Hein. Alors, Franck Leboeuf, l'affaire Tiki, vous savez, donc le président des jeunes UMP qui est sans papier, quand vous avez appris ça, c'est un énième épisode, alors que ce soit à droite ou à gauche, il y a des épisodes abracadabrantesques assez régulièrement. Quand vous avez appris ça, vous êtes plutôt dans la consternation que le rire avec ce sketch, j'imagine. Ouais, enfin, ça m'a... Je sais pas, je me suis trouvé dans une situation, je me dis, mais est-ce que je peux être pour ou contre lui, est-ce que... Et je me suis retrouvé, ouais, voilà, c'était un peu consternant. Je me dis, comment ça peut être possible? Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Il a eu un visa parce qu'il était étudiant, qu'il a fait une demande de naturalisation, que ça a pris du temps et qu'il s'est retrouvé avec un visa expiré. Et là, je me dis, bon, alors il a fait la démarche, une démarche correcte. Est-ce qu'il aurait dû partir, retourner au Cameroun? Personne ne le ferait, donc pourquoi lui, il le ferait? On est partagé entre la compassion. Ouais, c'est un mélange. Moi, je de pense qu'il devrait avoir la naturalisation. Je pense que c'est quelqu'un qui est venu en France en 2006, je crois, qui a un talent, après on aime ou on n'aime pas, mais il a l'air motivé, il est allé. Qui a envie de réussir et tout ça. Et si c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la France, moi je suis plutôt d'accord. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas arrêté de militer contre le laxisme prétendu de la gauche dans la lutte contre les clandestins et qui pétitionne pour le contre le droit de vote des étrangers. C'est ça qui fait rire tout le monde. Vous savez très bien, comme moi, c'est que ce que dit la gauche et ce que critique la gauche, elle va retourner en arrière et faire l'inverse quand elle est au pouvoir, et inversement et vice-versa, on va dire, pour la droite. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de parole, en fait, hein, et ça va pour tous les bords. Donc, c'est les limites de l'alternance. Ouais, c'est fatigant tout ça, mais ouais, voilà, quoi. Alors il aurait dû se ramener lui-même à la frontière et... je sais pas, se débrouiller avec sa conscience. Il y a des solutions avec Franck Leboeuf. Et justement, alors, pour finir, ce qui ressemble quand même à un sketch, oui, hein, bien écrit, rappelez-vous que le chef de cabinet de Nicolas Sarkozy, c'est quand même Frédéric Pechenard, c'est l'ex-patron de la police nationale. C'est lui le chef de cabinet du président de l'UMP. Et demander les papiers. Et oui, et voilà. À 17h45 sur France Inter, et bien Franck Leboeuf, c'est le moment de Clara Dupont-Monod, où nous prenons le large aussi, mais là, avec les livres. Voilà, bonjour Franck Leboeuf. Bonjour, bonjour mademoiselle. L'actualité, oui, Charline, c'est aussi la poursuite du procès Bettencourt, avec l'audition ce matin de Stéphane Courbit, un homme d'Acabit, donc à fort gabarit économite. Et rappelons que cette affaire est initialement partie de la fille de Liliane Bettencourt, Françoise Meyers, et donc on n'est jamais loin du contentieux mère-fille. Alors ça, la famille qui se déchire, qui vole en éclats, qui s'entre-dévore, ça, la littérature, elle adore. Rassure-toi, on n'est pas des esprits malfaisants. Quoique si on était des esprits malfaisants, on prendrait sûrement l'apparence de tes parents. Oh, merde. Voilà, des Simpsons, en remontant jusqu'aux Atrides, la famille déréglée, elle inspire la littérature. Vous l'avez entendu, comme par hasard, Monsieur Simpson s'appelle Homer. Et effectivement, la mythologie grecque est très friande de familles qui partent en sucette. Par exemple, Tantale fait manger à sa famille son propre fils, donc, et pour avoir dégusté ce fils en ragoût, la famille connaîtra le parricide, l'infanticide, l'inceste et le supplice de Tantale, qui est bien connu. Vous vous penchez pour avoir quelque chose qui recule quand vous êtes tout prêt. Oui, j'ai connu. Viserec et moi, nous l'exerçons chaque jour. Ça a été toute sa jeunesse. Voilà. toute sa vie à la radio aussi. En boîte de nuit aussi. Citons aussi Cronos, le roi des titans, qui avale ses mômes dès qu'ils sont nés pour éviter qui lui pique le trône. Le peintre Goya va s'en inspirer d'ailleurs pour peindre un tableau extraordinaire qui s'appelle Saturne dévorant ses enfants. Bref, la famille qui s'entretue, c'est un thème inépuisable et ça dure jusqu'à maintenant puisqu'un livre assez réfrigérant vient de sortir. Il s'appelle « Pardonnable, impardonnable » de Valérie Tonkyong. Il est paru chez Lattès. Alors, on est à la frontière du polar, un peu comme les Borgia, en fait. C'est-à-dire que la famille fissurée de partout, ça crée forcément une tension et on flirte toujours un peu avec le roman policier. Alors, dans ce livre, « Pardonnable, impardonnable », il y a une vraie tension puisque tout part de Milo, un petit garçon qui fait du vélo, qui prend une pente, qui tombe et qui se retrouve dans le coma. Et en fait, ce drame va ouvrir une brèche dans la famille, une brèche qui va devenir gouffre parce que tout remonte. Qu'est-ce qu'il faisait sur une pente à vélo, ce gamin, alors qu'il devait travailler un devoir d'histoire avec sa tante ? Sa tante, d'ailleurs. Elle est bien diplômée d'histoire, non ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle raconte à sa sœur et à son beau-frère, les parents de Milo ? Et d'ailleurs, en parlant justement du père, pourquoi est-ce qu'il fuit la tante, donc la sœur de sa femme, de cette façon-là ? Est-ce qu'il n'aurait pas quelque chose à se reprocher ? Et ainsi de suite. Vous allez de double fond en double fond. En fait, un élément imprévu vient torpiller le ciment qui socle la famille. Pardon. Et qu'est-ce qu'elle passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? Elle vole en éclats. Ici, l'imprévu, c'est un accident. Mais cet imprévu, il peut prendre aussi la forme d'un testament. Et là, je pense à une nouvelle qui n'est pas très connue de Guy de Maupassant, qui s'appelle Pierre et Jean. Il l'avait écrit d'une traite durant l'été 1887. Et il raconte une famille unis jusqu'au jour où un testament leur parvient et ce bout de papier à la force d'un boulet de canon. Parce qu'à ce moment-là, tous les masques tombent. Les passés sont fouillés, les frères Pierre et Jean s'affrontent avec une violence dont seuls les frères peuvent se permettre. On hait avec excès lorsqu'on hait un frère, a écrit Racine. Et d'ailleurs, Racine, justement, a puisé dans la famille cannibale toute son inspiration. Phèdre, par exemple, elle tombe amoureuse de qui ? De son beau-fils. Et ben voilà, comme quoi les familles recomposées aussi peuvent être toxiques. Donc le roman Pardonnable, impardonnable, je le dis quand même, il a une particularité, c'est qu'il alterne tous les points de vue. Vous lisez ce qu'il se passe dans la tête du père, de la mère, de la tante, de tout le monde, si bien qu'il devient très difficile de condamner l'un d'entre eux. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que tout le monde a une bonne raison de se taire, de mentir, en fait, de se protéger. C'est exactement comme dans le procès Bettencourt. Il semble un peu interminable à rebondissement, parce que dans les affaires de famille, il est donc très difficile de juger. Je vous redonne les références. Pardonnable, impardonnable, de Valérie Tonkyong, paru chez Jean-Claude Lattès. Je pense que Pierre et Jean, ça a donné l'idée à Nicolas Sarkozy pour ses deux enfants. C'est de cette nouvelle de Maupassant qu'il a appelé ses fils. Et ben, ça en dit long sur la rivalité qu'il peut y avoir entre eux, parce que c'est vraiment l'histoire de deux frères à un moment qui deviennent des ennemis. Tout ça, vous en parlez tellement bien, mais c'est assez anxiogène, je trouve. Oui. J'avais l'impression d'être écrasé contre un mur. C'est sympa. Ouais. Vous voulez que j'aille travailler à la matinale ? Non, mais j'ai trouvé que c'était tellement bien dit que j'ai envie de lire ce livre et en même temps j'en ai peur. Oui, mais vous avez raison parce qu'on est dans les règles un peu du roman noir, ouais. Et il y a quelque chose d'oppressant, ce qui signifie que le livre est réussi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez oppressant et qui touche au cœur. C'est aussi votre regard, Clara. Je vous remercie. Et le fait qu'il y ait tous les points de vue, vous dites on est dans la tête de chacun, c'est aussi peut-être ça concourt à ce sentiment. Oui, parce que vous n'avez pas d'issue. Ce serait très pratique de condamner. On adore faire ça. On a tous un petit réflexe comme ça quand on lit un livre ou quand on regarde un film d'ailleurs, et même dans la vraie vie. C'est très facile. Le bouc émissaire, le c'est donc toi, c'est donc lui. Et là, c'est impossible puisque tout devient. Justement, le titre est là. Pardonnable ou impardonnable, mais c'est compliqué quand vous connaissez les rouages. J'aime bien cette ricanement. Et attention, à partir d'aujourd'hui, Clara Dupont-Mono gère sa page internet. Je suis devenue un hacker. Sur franceinter.fr, vous tapez, vous cherchez Clara les Dupont-Mono. Émissions. Alors, je crois qu'on tape, on vous le dira peut-être plus en détail si jamais c'est pas ça, mais je crois qu'on tape la chronique de j'osais pas le dire. De Clara Dupont-Mono. C'est moi. Et vous tombez sur la page. Toutes les références, parce qu'on a reçu beaucoup de demandes. Vous, les livres se vendent beaucoup après que vous en ayez parlé, vous en parlez beaucoup. Et donc maintenant, tout sera carré. Allez, sur et, la page. Et les commentaires, je peux répondre et je vais me régaler. Voilà, car je ne suis pas si hautaine. Quoi qu'en pense Alex Vizorek. Moi-même, sur ma page, je mettrai les liens pour qu'on vote pour Robert Ménard aux prochaines élections. Merci. Allez, nous sommes avec Franck Leboeuf qui non seulement est sur scène avec ma belle-mère, mon ex et moi à la Comédie Comartin, mais vous tenez aussi le rôle d'un médecin dans le film de James March, Une merveilleuse histoire du temps, qui est en lice pour l'Oscar du meilleur film. Et donc ça, c'est vraiment la classe. Quoi. Sur votre étagère, il y aura d'abord l'Oscar ou d'abord la Coupe du Monde? Les deux. Non, mais c'est amusant parce que j'ai lu un article internet de première d'un journaliste qui marquait en titre l'homme qui était toujours là par hasard. Alors je pense qu'il a confondu avec hasard et toujours là où il faut. Peut-être c'était peut-être ça. Donc je tenais à lui faire un petit tag par derrière. Bon, parce que j'ai trouvé que son article était très très bien. Mais enfin bon, en tant que journaliste, je pensais qu'il savait écrire et réfléchir. Mais je trouvais que c'est bizarre parce que j'ai beaucoup travaillé pour être footballeur et j'étais champion du monde. Oui, j'étais pas titulaire, mais j'étais là pour remplacer en cas de défaillance ou de suspension, ce qui a été mon cas. Et puis ce film, j'ai fait un casting. Comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé 2 ans et je suis pas là. Par hasard, je suis là parce que j'ai bossé. Et vous avez été choisi. James March m'a choisi alors que je rappelle quand même qu'il a eu un Oscar pour un documentaire qui s'appelait Funambule. Il est en 2008. Que c'est quelqu'un qui a fait The King, le film qu'il a réalisé. C'est quelqu'un de très très très bon et qui m'a choisi. Donc c'est que je suis pas un peintre, quoi. Je suis pas là par hasard, quoi. Et donc voilà, je suis très content d'avoir fait ça, surtout avec des comédiens comme Eddie Redmayne ou Felicity Jones qui sont les acteur et l'actrice de ce film sur cet astrophysicien Stephen Hawking que je trouve absolument magnifique. C'est un très beau film, très émouvant et je suis très heureux d'avoir cette petite partie mais qui est assez cruciale puisque j'ai failli débrancher la machine de Stephen Hawking. Oui, évidemment. Clara Dupont-Mono. Oui, c'est juste un petit détail, mais quand je vous entends parler, vous dites très souvent j'ai beaucoup travaillé pour ça, comme si vous vous sentiez jamais très légitime. Non, j'ai jamais. Non, parce qu'on m'a beaucoup critiqué quand j'étais footballeur, qu'on trouvait pas que j'avais les qualités de mes résultats, on va dire, et je me suis toujours battu contre ça. Et là, bien sûr, on est en France, donc on a été footballeur, on reste footballeur. Les directeurs de casting, souvent, c'est Alain, il regarde et il dit Franck Leboeuf pour un casting. Non, mais ça va, il est footballeur. On en cherche même pas à comprendre. Donc c'est le sens des étiquettes. Voilà, c'est le sens des étiquettes que les gens parlent sans savoir beaucoup, donc ne savent pas que j'ai pris des cours, que j'ai fait 7 films, que j'ai fait 2 pièces de théâtre. Quand il dira des bons débuts au théâtre, Franck Leboeuf, ça fait quand même 250 fois que je suis sur scène. Mais bon, vous voyez, donc il y a ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on sait, et surtout ce qu'on ne sait pas. Et par moments, c'est un petit peu gonflant. Alors ça me fait rire par moments, mais d'autres moments, j'ai envie de mettre un petit coup de pique, quoi. Parce que quand on est journaliste, en principe, on sait faire son travail, on cherche un peu. C'est le principe de base. On va essayer de vous le problème, c'est que vous attendez trop des journalistes. On va essayer de vous prouver qu'on fait notre travail. Et on va vous faire reparler un tout petit peu de foot, parce que c'est le troisième sujet. Les supporters, est-ce qu'ils vont pouvoir entrer au conseil d'administration des clubs de foot ou en tout cas plus s'impliquer? Le Politique encourage cette initiative qui existe déjà dans plusieurs pays. L'idée, c'est que le club de foot est un bien collectif patrimonial et qu'il devienne donc ce vrai, véritable lieu de vivre ensemble. Tu vois la table, hein? On va partir du principe que c'est un milieu, d'accord? Le milieu du football. Dans ce milieu, il y a 2 catégories de Lascar. Les enculés d'attaque, qui sont prêts à tout, et les enculés de défense, qui, pour faire proprement leur boulot, sont obligés d'enculer les enculés d'attaque. Et voilà, c'est un extrait de 3-0 avec l'envin. Alors, figurez-vous que sur les 53 pays de l'UEFA, il n'y a que 3 pays qui n'ont pas respecté l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un référent supporter, et donc d'inclure vraiment les supporters comme représentation organisée dans le club. 3 pays n'ont pas respecté: la France, l'Azerbaïdjan et la Moldavie. La France est vraiment dans le top, top, top. Alors, pourquoi est-ce que la France est si réticente à ça et que, voilà, c'est une bonne idée d'inclure un petit peu plus le supporter, d'avoir un côté conseil ou un regard sur la transparence dans les clubs. Oui, je trouve que c'est intéressant. On voit que même dans certains clubs espagnols, on vote pour le président. Donc, c'est intéressant. La voix du peuple, Vox Populi, Vox Dei, comme on dit. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ce que... Vous avez fait du latin aussi à Los Angeles ? Non plus. Non, j'en ai fait en troisième, comme tout le monde. Je suis allé à l'école. Et bim, tiens, j'étais seul footballeur. Mais ne l'énervez pas, vous avez vu comment il est gaulé, ça va mal se finir. Hein. Non, je suis normal. Mais en fait, oui, c'est, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut bien cadrer les choses pour être sûr qu'on a les bonnes personnes qui sont les bons référents, ouais, comme vous disiez. Mais je pense que l'idée est intéressante. Très bien. Eh bien, voilà. Alors, à ce moment-ci, dans l'émission, Alex. Oui. Alors, on propose un sketch à notre invité. Alors, je vous propose de jouer avec nous. J'ai écrit un texte. Mm-hmm. Alors, en fait, Didier Deschamps a re-signé pour l'équipe de France. Ça, ouais. Et je me suis dit qu'il allait rappeler Franck Ribéry pour savoir s'il voulait revenir en équipe nationale. Vous êtes Franck Ribéry. Je suis Franck Ribéry. Ouais, je suis Didier Deschamps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, imitation, machin, ce que vous voulez. Et il y aura une petite surprise dans le sketch. J'aime bien parce que vous filez au dernier moment où je n'avais pas le temps de dire non, quoi. Même Gérard Darmon. Avec la première phrase. Gérard Darmon. Non, mais je le fais avec plaisir. On y va. Bon, cette fois, je vais le convaincre. Je vais lui dire que je prends plus Gourcuff, que je fais revenir Anelka. Il va pas me le refuser. Allô ? Allô, c'est Zaya ? Non, non, Franck. Franck, c'est Didier. Didier Drogba ? Non, Franck, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps ? Je connais pas Didier Deschamps, moi. Mais si, rappelle-toi, je suis l'entraîneur de l'équipe de France. Ah, l'équipe de France ! Et pourquoi tu m'appelles ? Mais en fait, je me disais que tu pouvais éventuellement venir nous passer un petit coup de main, quoi. Quoi ? Ça serait pas possible que j'irai. Hein. Si tu veux jouer à la main, rappelle Thierry Henry. Hein. Non mais Franck, t'as pas compris. En fait, j'aimerais que tu reprennes une place dans l'équipe de France, quoi. Ah non, ça m'intéresse pas. En France, il y a personne qui m'aime. Ici, en Allemagne, tout le monde me respecte. Vous enlevez des fautes. Hein. Vous êtes malin. Quand même, minimum. Je comprends. Mais je te promets. Tu peux refaire tout le système de jeu autour de toi. On fera plus d'amalgame. Amalgame ? C'est qui celui-là ? Il joue à quel poste ? Non, mais on peut reprendre qui tu veux. Qui tu veux reprendre ? Je veux Franck Leboeuf. Mais pourquoi Franck Leboeuf ? Bah, il a joué à Marseille comme moi, et franchement, c'est un très bon joueur. Hein. Bah oui, je le connais bien, j'ai fait la Coupe du Monde avec lui, mais enfin bon, c'est pas non plus... Tu rigoles, c'est le meilleur. Sur le terrain ? Mais non, la PlayStation ! Ah, d'accord. Je te donne 2 jours pour prendre une décision. Très bien, je vais réfléchir, ça va être facile. Ça va être impressionnant, ouais. Yaya, j'arrive, Gertrude. Si je dois aller, ma copine, elle voudra pas que je reste au téléphone. Je comprends, Franck, à la revoyure. D'accord, mais c'est où la revoyure? Merci, bravo. C'était l'interprétation de Franck Leboeuf que vous pouvez voir aussi dans une comédie, à la comédie Comartin. De chien. C'était magnifique. Mais allez le voir. Salue, allez voir Franck Leboeuf dans plus, Ma belle-mère, mon ex et moi. C'est à la comédie Comartin. Et puis le rôle de médecin dans le film Une merveilleuse histoire du temps de James Marsh. Un grand merci à vous, Franck Leboeuf. C'était un plaisir. On se quitte avec cet espoir naissant de voir un jour les JO à Paris. Bon, ça va, on va me le reprocher combien de temps d'avoir raté Paris 2012, ça va bien, oh.